c'est transversal. La liberté, on la pose partout, on la revendique. Et si elle n'est pas là, on essaie de l'installer. Ah, la liberté, le mot que j'adore. Ouais. La liberté, pour moi, c'est la vie. D'être libre, il n'y a pas mieux. La liberté, c'est comment, à un moment donné, on peut donner confiance. Enfin, mon travail, il était là aussi en complément des autres adultes. C'est comment on peut donner confiance à des individus, avoir un rapport humain de confiance pour réussir à s'exprimer. Pour moi, c'est ça la grande liberté. La liberté, ils se sont libres de vivre et laisser vivre les autres. C'est assez la liberté. La liberté, quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais sans un problème. La liberté, c'est quand tu sais lire, tu fais le chèque, tu fais la convocation avec les autres, tu ne te sens pas gêné, tu te sens libre. Ah, liberté, c'est la liberté d'expression, qu'on puisse dire enfin ce qu'on veut, quand on veut, la liberté d'exister, la liberté... Voilà. Liberté, c'est indispensable, c'est à l'être humain pour vivre correctement. C'est quelque chose qui est ancré en nous, enfin en moi en tous les cas, la liberté. Je me donne le droit d'être libre de ma personne, de mes pensées, et j'apprécie énormément, et je vis ma liberté à fond.